Bienvenue au journal des sans-papiers sur Radio Panique 105.4, l'émission qui sera rediffusée sur Radio Campus lundi prochain à partir de 14h30 de Radio Campus, donc sur 107.2 FM, et également sur Radio Panique, rediffusion vendredi de matin de 9h à 10h. Alors aujourd'hui, au micro Aude et Benoît, et puis alors nous avons deux invités à qui nous allons demander de se présenter. Moi, c'est Defoucault. Je suis vraiment issu porte-parole de UD Bruxelles. Oui. Et? Et moi, c'est Gérard de Cornejo, porte-parole de l'UD Bruxelles également. Ok, donc nous avons deux porte-parole de l'UD Bruxelles pour le prix d'un. Alors, hier, il y avait une manifestation nationale pour la régularisation qui avait été programmée pour faire pression sur l'accord de coalition. Qui doit voir le jour entre, on ne sait exactement quel parti pour le moment, mais en tout cas l'EMR, donc tous les regards convergent vers l'EMR, l'EMR qui avait déjà plus ou moins bloqué la proposition de loi UDEP au printemps dernier. Donc la situation de ce point de vue-là n'est pas particulièrement resplendissante, donc Patrick a essayé d'en savoir un petit peu plus sur les ambitions du EMR, sur ce dossier, et voici donc le son du jour. L'EMR, oui, peut-être. Allons. Bonjour, bienvenue au mouvement réformateur. Nous nous occupons de vous dans un instant. Mouvement réformateur, bonjour. Que désirez-vous, s'il vous plaît ? Je vous appelle de Radio Panique pour le. Radio ? Combien ? Radio Panique. Radio ? Radio Panique. Pani ? Oui. Radio Pani, oui. Allô, monsieur Laurent Burton ? Oui, bonjour. Je vous appelle parce que je prépare une émission de radio sur la question des sans-papiers. Et je me demandais si éventuellement monsieur Didier Reinders accepterait de nous recevoir pour une très courte interview. Sa Majesté le Roi m'a fait l'honneur de me confier une mission d'information. Elle consiste en une présentation au souverain de l'état de la situation économique et sociale du pays. D'accord, je vois. Est-ce que vous voyez quelqu'un à qui je pourrais m'adresser dans le mouvement réformateur ? Oui, et je vous appelle parce qu'on organise lundi prochain une émission à propos sur la question des sans-papiers. Oui. Et nous aimerions savoir si nous pourrions rencontrer d'ici là un représentant du mouvement réformateur pour avoir la position. Vous devez écrire au président ou envoyer un fax au président, monsieur. Vous souhaitez rencontrer quelqu'un, oui. Donc il faut que j'envoie un fax ? Un fax, vous faites un... Oui, parce que... Ou alors il faudra que je prenne note de tout ce que vous désirez et que j'envoie un mail moi-même, alors, hein ? Ah, un mail ou un fax ? Bonjour, le journal sans papier de Radio Panique fera lundi prochain une émission récapitulant la position des différents partis francophones sur la question des sans-papiers. Serait-il possible de rencontrer quelqu'un du mouvement réformateur pouvant nous accorder une interview d'ici vendredi sur ce sujet ? Cordialement, Aude et Patrick pour la rédaction du journal sans papier. Bonjour. Le journal sans papier de Radio Panique fera lundi prochain une émission récapitulant la position des différents partis francophones sur la question des sans papiers. Monsieur Didier Renders aurait-il la possibilité de nous accorder une... Oui, bonjour monsieur. Je vous appelle de la part de Radio Panique pour savoir si éventuellement monsieur Daniel Baclen accepterait de nous accorder une interview. Et je tenterai de vous joindre à nouveau dans la journée. Merci, au revoir. Michel aurait-il la possibilité de... Ce serait pour savoir si Daniel Baclen accepterait de nous donner une interview. Mais c'est une radio associative de Bruxelles. Sur la question des sans-papiers. Là, j'ai eu M. Hervé Béchou, donc, qui est l'attaché de presse de Daniel Baclen. Il avait l'air assez... intrigué par le nom de la radio, c'est vrai, panique, c'est un peu paniquant, et un peu étonné qu'on veuille les interroger sur les sans-papiers. Il a dit qu'il allait me rappeler, et donc là on est jeudi matin. Oui, donc là on est vendredi soir, monsieur Hervé Béchou ne m'a pas rappelé. C'est dommage. Enfin, il faut dire qu'il s'est passé beaucoup de choses au MR cette semaine. Ça a commencé par des scores écrasants aux élections. Puis Didier Renders a été nommé informateur du roi. Et puis on a appris la mort de Jacques Simonet. Jacques Simonet, c'était le bourgmestre de Anderlecht. C'est dommage qu'il soit mort sans nous dire pourquoi diable avait-il ressenti la nécessité d'expulser les sans-papiers de l'église d'Anderlecht juste avant les élections communales, dans les conditions qu'on sait. C'est dommage, il emporte le secret dans sa tombe. S'il y avait une chose que vous devriez retenir de M. Simonet, un souvenir, ce serait lequel? C'est ce que je viens de mettre dans le livre. Je crois que ce qu'on peut retenir de Jacques Simonet à certains moments, c'est les grands éclats de rire qu'il pouvait avoir. Quand il avait fait un bon coup, quand il avait sorti une bonne plaisanterie vis-à-vis d'un adversaire politique ou vis-à-vis d'un ami. Et voilà, donc c'était l'EMR aux abonnés absents. Donc on se demande finalement s'ils ne sont pas plus à être morts que Jacques Simonet, paix à son âme. Peut-être une petite question avec nos invités, puisqu'on a évoqué cette expulsion de l'église d'Anderlecht l'année dernière. Que sont devenus les expulsés? Les sans-papiers qui occupaient l'église d'Anderlecht, beaucoup d'entre eux ont été rapatriés dans les pays d'origine. D'autres ont été relâchés. Actuellement, certains membres sont tués dans les centres fermés et nous continuons à mobiliser, à manifester pour demander leur régularisation, quoi. C'était des militants, ils étaient dans les occupations pour manifester, pour demander qu'une justice soit faite. Ils demandaient, ils avaient décidé de sortir de la clandestinité, de se battre loyalement pour avoir des papiers, pouvoir travailler et contribuer à la vie sociale belge. Bon, dommage parce que le gouvernement a décidé d'entrer dans les églises, les brutaliser. C'était une déportation. Les fait déporter dans les centres fermés. Jusque-là, nous continuons à mobiliser et nous les gardons. Nous gardons ce jour comme souvenir et mémoire pour nos camarades de ce jour, quoi. Donc voilà, maintenant on est dans la situation où le MR est chargé de former le prochain gouvernement. Et donc on n'a pas eu de réaction donc du MR sur la question des sans-papiers. Quelles ont été jusqu'ici, disons, les relations entre, par exemple, l'UDEP Bruxelles ou d'autres mouvements avec le MR au cours de l'année qui s'est écoulée, disons? Jusque-là, nous avons presque pas eu les relations entre UDEP et le MR étaient toutes tendues. Parce que nous avons fait beaucoup de conférences, beaucoup de débats avec lesquels nous avons invité les présidents des partis politiques, le PS, le MR, le CDH, Écolo, tous sont venus très régulièrement. Bon, nous n'avons jamais eu un représentant du MN ni dans toutes nos actions, quoi. Donc, jusqu'à présent, le MN ne soutient pas qu'il y ait une réalisation pour les sans-papiers. Les sans-papiers ont juste un fait, quoi. Les sans-papiers sont là, ils sont sortis de l'homme et ils demandent que la situation change. Et si le MN ne veut pas qu'ils soient régularisés, qu'ils trouvent une solution pour ces gens-là. Ces personnes qui sont dans le territoire depuis longues années, 7 ans, 8 ans, beaucoup plus pour d'autres. Et nous, et si ces régularisations devaient se faire, qu'il y ait des critères, quoi, qu'il y ait une commission pour travailler, et qu'on dit qui doit être régularisé, qui ne serait pas. Parce qu'on voit aujourd'hui dans la rue, les gens qui sont régularisés, les gens qui sont, ont fait un an sur le territoire, qui ont été régularisés, des personnes qui ont fait 8 ans, 7 ans sur le territoire, qui n'ont pas de régularisation. Là, ça se comprend pas. On veut savoir, on va avoir des critères, et on demande que tous les sans-papiers qui se trouvent sur le territoire soient régularisés. Oui, voilà, on avait fait une émission il y a quelques semaines qui mettait bien en lumière ce problème de central, qui est de l'arbitraire des décisions de l'Office des étrangers et du ministre de l'Intérieur. Et donc, la revendication principale est quand même assez raisonnable, puisqu'elle demande simplement qu'il y ait des critères clairs et un cadre légal clair pour régulariser. Donc, il y a d'autres organisations, d'autres points de vue qui sont un peu plus radicaux de ce point de vue-là, mais même cette revendication qui est de bon sens, qui est donc de rétablir une certaine forme de légalité et de raisonnabilité, disons, de la loi, hein, puisque finalement l'État, a priori, c'est ça, c'est Max Weber disait ça, c'est que c'est ce qui rend, c'est le pouvoir qui rend rationnel la société, qui permet d'anticiper sur les choses, de garder un certain nombre de choses stables. Alors c'est important pour l'économie, c'est important pour la vie personnelle des gens, c'est important à partir du moment où vous êtes soumis en permanence à l'arbitraire, que vous pouvez pas calculer, vous pouvez pas savoir ce qui vous attend concrètement, parce que on est dans un truc de tirage au sort, de loterie, etc. L'État ne remplit pas du tout ses fonctions, quoi. Alors hier donc il y avait cette manifestation nationale. On va entendre quelques sons qui ont été pris par Patrick, encore Patrick, donc hier, et puis après on va discuter un petit peu de différents moyens de faire pression, notamment sur le MR, afin que d'avoir en face de soi d'abord un interlocuteur, puisque pour le moment manifestement il n'y en a pas, et deuxièmement de pouvoir faire valoir l'importance. Que les hommes d'État se comportent de façon un tout petit peu raisonnable s'ils prétendent être des hommes d'État. Alors on va écouter ce son d'hier. Dis-moi Alex, comment ça se fait qu'il n'y a pas de bannière UDEP ? Que quoi ? J'ai pas trouvé la bannière UDEP. L'UDEP, il est derrière, il vient derrière. Tout derrière, il y a UDEP, Couleur Papier et la Sineke. Il y a aussi UDEP, UDEP Sainte-Hélène. Ils sont un peu à l'arrière, quoi. Ah, avec tout ce foule, on a des risques de se perdre. Ouais. Oui, normalement, on devrait, les sans-papiers, ils devraient être à la tête. Et derrière, oh, les syndicats. Ouais. Parce que les soutiens. Il doit soutenir qui est bon, qui est... Oui. Ça me semble évident, mais bon. À bientôt, Alex. Eh bien, mesdemoiselles, mesdames, messieurs, nous sommes en direct dans cette manifestation, nationale, on peut le dire. National même. Et alors nous avons vu passer le cortège syndical et maintenant voici les Kidam. Disons, ce sont les gens qui viennent toujours à la fin des manifestations, ceux qui comptent le moins, disons. Ça suffit la presse, les journalistes, allez, on rentre dans le centre fermé. Oh, bah. Alors, et comme vous le voyez, l'ambiance est très chaude ici. Écoutez Bernard, je ne sais pas si je vais pouvoir rester à l'antenne, il y a ici une drôle d'ambiance. On craint des échauffourées. Yes, fasciste. Il y a des gens bizarres avec des foulards rouges et plein de casquettes qui se ressemblent tous. Et puis derrière, en fin de cortège, il n'y a que des gens avec des visages, quoi. Dis pas ça parce qu'il y a un monsieur derrière toi qui a une drôle de casquette. Ouais, mais si jamais on le prend en photo, on le voit pas en fait. FGTB, Et pourquoi vous portez une casquette FGTB et vous êtes à la fin du cortège ? Normalement, cette casquette permet de passer devant. Et Flo, mais c'est qui tous ces mecs avec des casquettes de couleur là à l'avant là ? Ça, c'est du rattrapage politique. C'est des gens qui ouvrent, parce qu'ils ont les moyens, parce qu'ils sont financés par l'État, des caisses pour distribuer tous les trucs rouges. Et finalement, tu te retrouves avec le représentant de l'UDEP national, avec un foulard de la FGTB et aucun signe distinctif de l'UDEP. Ça, c'est triste. Mais heureusement, il y a quand même, je pense, un porte-drapeau de l'UDEP tout devant pour que l'honneur soit sauf. parce qu'évidemment le cœur du mouvement c'est les sans-papiers, même si c'est pas toujours accepté comme ça quoi. C'est une grève du cœur. Ouais. Mais ouais, c'est beaucoup de rouge hein. Mais bon, il y a pire comme couleur hein, mais et puis s'ils comprennent ça comme langage, on va leur parler dans leur langue mais... No more shooting. No more shooting. Qu'est-ce que vous pensez du fait, en fait, que la FGTB défile devant l'UDEP quoi? Ben, je crois qu'on ne défile pas spécifiquement pour avoir une place dans une manifestation. Ce qui est important, c'est que les deux organisations syndicales, le FAM et l'UDEP, aient appelé ensemble à cette manifestation. Et qu'on soit quand même, je crois, bien nombreux, malgré le fait que les nouvelles conditions politiques ne soient pas les plus favorables, puisqu'on on s'oriente vers une majorité qui risque peu... d'être attentive à la question des sans-papiers. Mais je crois que le plus important, c'est effectivement de rester ensemble dans la rue et de mener le combat ensemble. Mais c'était pas possible d'avoir un cortège mélangé, par exemple? Ouais, vous savez, moi, les gens avec qui je suis là, c'est pas des gens... J'ai pas fait la distinction entre les gens de la FGTB et d'autres. Il y a... Dans les quatre personnes qui m'accompagnent à ma gauche, il y a quelqu'un qui a reçu sa régularisation jeudi. Et il y en a un qui n'a pas de papier, il y en a une qui a des papiers. Donc c'est pas des groupes comme ceux-là. La plupart des groupes que vous voyez sont des gens qui sont soit sans papiers, soit aux côtés des sans-papiers. Je crois que c'est effectivement une manifestation déjà assez mélangée. Je ne pense pas qu'il y ait une volonté de séparer les gens qui ont ou qui n'ont pas de papier. Mais vous portez une cape et les deux personnes que vous me désignez ont tout un foulard FGTB quand même. Ben oui, c'est parce qu'elles sont venues avec la FGTB et qu'elles savent ce qu'on a fait pendant toute l'occupation, puisqu'on vient de Mons. On sait qui a travaillé pour soutenir les sans-papiers, à Mons en particulier. Mais c'est peut-être pas exactement le cas à Bruxelles, alors on est un peu dépaysé évidemment. Oui, peut-être. Oui. Ça, c'est... Non, je suis Freddy Mathieu et je suis responsable de la FGTB à Mons. Merci beaucoup, monsieur. Vous venez de Bruxelles? Oui, je vis ici, je vis à London. London. Vous venez de Londres? Oui, exactement. Et vous vivez à Londres et vous venez spécialement ici? Bon, j'ai des parents ici, des frères ici qui sont de la même situation, même souffrance que les autres, donc au réseau laquelle que je suis là. Mais comment ça se fait que vous avez un drapeau FGTB? Pardon? Le drapeau que vous avez, the flag. Donc, vous voyez, des drapeaux et des sauces casquettes aussi, mais... À mon avis, je ne sais rien ce que ça signifie. Donc, j'ai porté seulement. Comme ce sont les copains qui m'ont donné ça. Et je ne sais pas qu'est-ce que ça signifie. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt. Comment vous vous appelez? Alex. Alex. Ouais. De Londres, alors. Okay. Et pour suivre Frédéric Maoué du Forum Asile et Migration. Van het Forum Asiel en Migraties, Frédéric Maoué. Le gouvernement sortant s'est concentré sur la réforme de la procédure d'asile, mais renvoyant au gouvernement suivant le traitement de la question de la régularisation. Et nous y voilà. Les élections ont eu lieu. Le travail politique et juridique doit commencer sur cette question, ou à tout le moins être clairement mis à l'agenda de l'accord de majorité. Nous, Forum Asile et Migration, nous engageons aujourd'hui à mettre nos forces au service des responsables politiques qui s'attelleront à avancer positivement sur cette question ou, à défaut, à mettre alors toutes nos forces dans le rappel inlassable de l'existence de cette question sociale incontournable. Nous nous tenons donc à la disposition de l'informateur et du formateur pour contribuer à instruire ce débat indispensable. Et ceux qui étaient là la dernière fois, quand ils regardent par là en arrière, ils font qu'une constatation. Le mouvement des sans-papiers et pour la régularisation grandit. Et c'est grâce à vous. Wie achter zich kijkt in de laatste keer hier was, die ziet maar één ding. De beweging voor mensen zonder papieren groeit. En dat is dankzij u. Et donc le mouvement des sans-papiers grandit, il grandit, il grandit. Jusqu'où s'arrêtera-t-il? Bon, alors, comme on l'a entendu avec les reportages de Patrick, cette manifestation était quand même un petit peu bizarre. Enfin bon, évidemment, il y avait du soleil et puis ça va bientôt être l'été, donc on comprend que les gens soient venus y chercher une casquette FGTB, mais moi je comprends pas très bien en fait ce qui s'est passé et j'aimerais bien savoir qui c'est qui a organisé cette manifestation et comment. Alors moi je voudrais réagir. Bon, les reportages de Radio Panique sont toujours très bouleversants, moi ça me fait toujours beaucoup d'émotions. Celui-là en particulier, donc... Moi, je vais dire personnellement ce que je pense de la question et je pense que Raymond, après, va un peu tempérer mes propos. Bon, là, il est clair qu'il s'agit d'une récupération, quoi, de masse. Moi, je l'ai vu en direct parce que j'étais là depuis le début de la manif pour organiser les rangs de l'UDEP et de couleur papier. Donc, la technique, c'est très simple. On arrive avec une grande camionnette, plein de caisses remplies de matos alléchants dedans, casquettes, foulards, drapeau, on ouvre les caisses comme on ouvre un convoi humanitaire et les gens se ruent dessus, comme l'a très bien dit sans papier, qui ne sait même pas ce que cela signifie, quoi. Et voilà, et on porte ces couleurs. Et bon, ça poserait à la limite pas plus de problèmes que ça si du coup ça ne diluait pas complètement la visibilité et les couleurs de l'UDEP qui, elle, évidemment, n'a pas les moyens, si ce n'est une pauvre photocopie et des pauvres pinceaux où on travaille durement la nuit pour pouvoir essayer de se faire voir un peu dans les manifs et dire qu'on est là et qu'on a notre place et qu'on veut avoir notre place à la table des négociations, quoi. Et voilà, et du coup, la manif se dilue en un espèce de cortèges rouges et verts et de par-ci par-là on voit quelques bannières de l'UDEP et apparemment on les voit même pas, quoi. Donc moi c'est quelque chose qui me met en colère, évidemment. C'est évidemment quelque chose qui arrive parce qu'on n'a pas non plus notre place lors de l'organisation de la manifestation. On est gentiment mis de côté comme on veut gentiment nous mettre de côté lors des négociations, lors de la rencontre qui se passera avec l'informateur. Et c'est ce qu'on a crié dans la manif, c'est ce qu'on a dit aux gens. On a dit, écoutez, ceux qui représentent les sans-papiers, ici, c'est l'UDEP et personne d'autre. Personne d'autre n'a le droit de dire qu'ils parlent au nom des sans-papiers. Nous sommes les porte-parole des sans-papiers. Nous avons été élus par l'Assemblée générale des sans-papiers de Belgique. Et personne d'autre n'a le droit de parler au nom des sans-papiers, quoi. Après, respect énorme pour le travail que fait le CIRE, le FAM et les associations sur la question des sans-papiers. Respect énorme. Mais il ne faut pas oublier que les mieux placés pour parler des sans-papiers, c'est les sans-papiers, évidemment, quoi. Ma crainte est grande que évidemment les sans-papiers soient mis de côté, quoi, lors de la question. On a assisté à la conférence de presse du FAM. Pas un mot sur les centres fermés, pas un mot sur les expulsions, sur les arrestations, sur les maltraitances quotidiennes, sur la peur au ventre constante avec laquelle vivent les sans-papiers. Et ça, pour nous, évidemment, c'est inacceptable. Nous, on représente tous les sans-papiers. On parle de tous les sans-papiers. Et maintenant, ce qu'on demande, c'est que le monsieur qui est censé rencontrer tous les acteurs politiques et sociaux de ce pays nous rencontre aussi. Nous sommes aussi des acteurs politiques. Nous sommes aussi des acteurs sociaux. Et nous sommes aussi des acteurs économiques. Voilà, nous sommes 150 000, voire beaucoup plus, dont 80% travaillent. Donc, il faut nous entendre, quoi. Et personne ne peut parler à notre place. Personne ne peut parler en notre nom. Personne. J'aurais dû presque tout dire. Ce qu'il veut dire, c'est que bon, UDEP, c'est un mouvement qui a été créé il y a 2 ans par les sans-papiers, qui défend les sans-papiers et qui ne représente pas les sans-papiers. Quand on dit sans-papiers, ça veut dire quelqu'un qui n'a rien. Quelqu'un qui n'a vraiment dit rien. Ni logement, ni carte 6, carte 6. Il n'a droit à rien. Il n'a pas droit au logement, il n'a pas droit aux soins, il n'a pas droit même... Il ne sait pas manger, quoi. Et déjà, c'est difficile, déjà pour le sans-papier, de pouvoir vivre. Et aussi, difficile aussi de pouvoir gérer et encadrer un mouvement qui est aussi grand que UDEP. Donc, vu le moins de bord dont nous avons, bon, nous faisons beaucoup d'efforts en pouvoir maintenir le mouvement tel que Miller. C'est vrai, vous avez constaté lors de la manif beaucoup de drapeaux rouges et verts. Donc, on aurait aimé faire plus que ça, mais on n'a vraiment pas de moyens, quoi. On n'a vraiment pas de moyens, on fait du peu qu'on a, mais on n'arrive vraiment à rien. Donc, sinon, on est là, on continue à se battre, on continue à mobiliser et pour défendre les sans-papiers et avoir enfin une réalisation de tous. Voilà. Mais en même temps, moi, concrètement, comment est-ce qu'elle a été organisée, cette manifestation ? Mais vraiment concrètement, il y avait quelles organisations dans le comité d'organisation ? Par exemple, comment a été décidé que les mouvements seraient en queue et non en tête ? Des choses comme ça. Est-ce qu'il y a eu des rapports de force vraiment ou... Bah justement, c'est toute le... Bon, je ne sais pas si on peut parler de stratégie, mais bon, c'est toute la logique des choses qui ne fonctionnent pas. C'est que justement, il n'y a pas eu ce genre de décision. Ce qui permet après de dire « Ah, c'est dommage, on aurait bien aimé vous voir devant et vous étiez derrière. » Voilà comment ça s'est organisé. Ouais, j'ai interviewé des gens dans la manif qui m'ont dit que la manifestation était organisée par le CIRE. En fait, ce manif qui a été organisé en collaboration, UDEP et ses partenaires, comme vous avez constaté lors de la manif, que ce soit la FGTB, la CSC, le CIRE, la CRE. Bon, en fait, ce manif qui a été organisé par plusieurs associations, quoi. Donc, cela ne relève pas seulement du point de vue du CIRE. Donc, voilà. On a un peu l'impression que pour les organisations, la principale activité consiste à essayer de neutraliser les mouvements de sans-papiers, en fait. Oui, bon. Comme UDEP, c'est un mouvement de sans-papiers qui n'a vraiment pas de moyens pour pouvoir s'occuper d'elle-même. Et comme bon, on a aussi des soutiens, des partenaires avec lesquels on travaille, des associations avec lesquelles on travaille, qu'on n'a pas les très mêmes directives, nous essayons de faire du mieux à ce que nous puissions travailler tous ensemble et que surtout qui travaille aussi en pleine collaboration avec et qui défend d'une façon ou d'une autre la cause des sans-papiers, quoi. Donc, on essaie de travailler avec et voilà, quoi. On a un peu l'impression que la cause des sans-papiers est trop sérieuse pour être confiée aux sans-papiers. Non, c'est pas qu'elle est... En fait, la cause des sans-papiers, c'est une grande cause. Les sans-papiers, vraiment, n'ont rien. Comment les associations qui travaillent, ils ont sûrement des subsistes, des membres pour travailler. Nous travaillons vraiment sur base de rien, sur base de volonté, de volonté et de patience. Donc, nous n'avons aucun moyen de pour travailler, ni financièrement, ni techniquement. Nous n'avons vraiment rien. Nous faisons du peu que nous pouvons. Donc c'est ça. Voilà, moi, je voudrais compléter ce que dit Raymond. Par exemple, au bureau, beaucoup de personnes se déplacent à pied, par exemple, pour aller à une réunion, quoi. Ils prennent pas le métro, donc si on a une réunion du bureau, par exemple, qu'il faut aller, au Botanique, on va se taper le Botanique, en passant par la place de Brouckère, parce qu'il faut aller faire des photocopies là-bas, et puis on va remonter jusqu'à Saint-Gilles, et puis jusqu'à l'église de Forêt, et voilà, il y en a qui font ça à pied, quoi. Donc, ça, c'est la réalité de tous les jours, c'est la réalité du mouvement. On en est à des choses comme ça, donc on a un effort encore plus grand à faire que les autres militants dans les syndicats ou quoi, qui eux ont le téléphone, le fax, l'imprimante, c'est des choses bêtes. Et je crois que c'est ça aussi qui fait... la force de ce mouvement, quoi. C'est ça la beauté de ce mouvement. Et c'est ça aussi qui quelque part, le rend libre, quoi. Alors, au niveau de la forme de la manifestation, nous, on avait Radio Panique, en l'occurrence, avec donc un truc qu'on a essayé de lancer avec suite à l'appel, le forum des 100 voix, qui a été lancé par Kenny Arcana, qui sont des espèces de réunions horizontales où tout le monde peut parler pour aborder différents problèmes, etc., qui avait lieu aux ateliers Momen le 19. Il y a tous les samedis à 18h au parc qui a été rebaptisé Parc du Peuple, mais qui s'appelait autrefois le Parc Royal. Donc c'est le kiosque, une tentative de faire des assemblées populaires comme ça, horizontales, sans où les gens sont moins là en tant qu'organisation qu'en tant qu'être humain, quoi. Pour essayer de remettre des trucs à plat, qu'il y ait des trucs qui sortent, etc. Alors ça fait pas de l'organisation politique, mais par contre ça fait quand même de la parole un peu constructive. Et on a essayé de profiter qu'il y a une copine du People's Parliament de Nairobi qui était là, pour, qui fait ça, ils s'organisent là-bas comme ça dans les parcs depuis 15 ans. Essayer de faire ça à l'issue de, ça nous semblait bien de faire à l'issue de la manifestation une discussion sur l'immigration, surtout qu'elle, Wangi, a un point de vue d'Africaine restée au pays, quoi. Rester au pays avec une volonté de développer son pays et qui ne voit pas forcément l'immigration ou l'ouverture des frontières sous un très bon jour, puisque ça veut dire que les personnes, enfin que les pays africains notamment se vident de leurs élites vers l'Europe, quoi. Donc c'était d'assez bonnes questions. Bon, ça consistait juste à s'asseoir dans l'herbe pour discuter tranquillement et palabrer tranquillement de ces choses-là. Et on a essayé de capter un petit peu les gens qui étaient là en fin de manif. Alors ça. Le problème, c'est que ça a commencé dans la manif au moment de la distribution des tracts. Il y a des gens qui se sont dit « Ah non, il y a un problème parce que il y a un concert. Il y a un concert, donc c'est vraiment pas le moment. » Et là, on est quand même obligé de s'interroger sur la forme manifestation, qui est vraiment une forme hyper fermée, quoi. C'est-à-dire que les gens arrivent à un bout, quoi, et c'est vrai pour cette manif comme d'autres. Ils partent d'un bout, ils arrivent en car, ils arrivent en train. Et à l'autre bout, ils remontent dans leur car, ils remontent dans leur train, quoi. Et entre les deux, ils ont marché. Donc c'est une forme dans laquelle on peut pas vraiment se parler. Il y a eu des prises de parole, bon, qui n'étaient pas libres. Donc il y a des gens qui représentent ci ou ça, qui parlent et qui font des discours. Tout le monde applaudit et tout le monde s'en va. Et après, en plus, il y a de la musique, ce qui fait qu'on s'entend pas, on peut pas parler. Donc, on a l'impression que tout est fait pour que les discussions de base puissent jamais avoir lieu. Alors que c'est quand même le moment où tout le monde est venu, où on peut avoir des désaccords entre nous, tout ce qu'on veut, etc. Mais où on devrait parler. Parce que la politique, c'est d'abord se parler, quoi. Hein, c'est d'abord se parler. Et là, on voit qu'on est dans une espèce de forme institutionnelle, où on peut absolument rien faire. Et le pire, c'est que quand on a essayé de capter des gens qui étaient là, parce qu'on voulait avoir des gens d'origine immigrée ou sans papier, etc. Parce que faire un débat entre blancs sur le nord, le sud, l'immigration, et puis bon, on se retrouve un petit peu facilement dans la position de soutien, qui est assez désagréable. On a senti la force d'un encadrement, alors je sais pas par qui, mais à tous les gens qui ont demandé de nous rejoindre 50 mètres plus loin sur l'herbe, ils disaient « Ah non, pas moi, il faut demander au responsable, qui est lui, etc. » Et ils envoyaient des trucs. Et puis, il y en a quelques-uns qui sont venus et qui étaient effectivement des responsables. La seule chose qui les intéressait, c'était de savoir qui on était et pour quelle organisation on travaillait. Voilà. Donc, dans cette espèce de cortège et d'organisation routinière, finalement, des choses, on voit bien qu'il y a une structure de pouvoir qui est absolument terrible et où les gens qui ne sont pas... à part par leur casquette, dans une de ces organisations institutionnelles, notamment les syndicats, etc., et qui sont porteurs quand même d'une réinvention de forme politique, mais aussi de qu'est-ce que c'est... ils ont la même position, finalement, dans ces luttes politiques qu'ils peuvent avoir en Belgique, parce qu'ils sont arrivés plus récemment et qui posent la question de l'identité belge, par leur seule présence, etc. Et tout est verrouillé pour qu'une forme ne puisse s'inventer. Et c'est vraiment terrible, parce qu'on a l'impression qu'on s'en sortira jamais à ce moment-là. Et la volonté de contrôle, elle est souvent, y compris par des gens que j'aime bien, elle est souvent mise en avant en disant, vous comprenez, il faut faire un front commun, et il y a trop de différences, donc il faut vraiment qu'il n'y ait pas une tête qui dépasse, quoi. Et qu'il n'y ait surtout pas un discours radical qui s'impose, ou un discours différent qui s'impose. Il faut qu'on ne sache pas trop, qu'on soit dans le compromis, qu'on ne sache pas trop sur quoi porte le compromis, parce que sinon ça va se déliter. Et moi, je commence franchement à me demander si un front commun... qui n'affronte rien, c'est pas largement pire que l'absence de front commun, mais au moins des actions déterminées visant à faire changer les choses, qui à la limite pourraient être peut-être plus efficaces, enfin, je sais pas. Mais, regarde, qu'est-ce qu'a dit Frédéric Mahoué du FAM ? Elle a dit que c'était une question sociale incontournable. Voilà, maintenant, ils sont déjà rentrés dans un processus où ils revoient ce qui est contournable, où on revoit ce qui est négociable, où on revoit les valeurs qu'on pensait qu'on pouvait pas mettre de côté, et où il faut surtout pas parler de régularisation massive ou de régularisation de tous les sans-papiers, et ou de dire voilà, faisons face maintenant à la réalité. À la réalité, il y a des personnes en Belgique, elles sont là et il faut avoir le courage de faire face à ça, quoi. Donc voilà, pour répondre à ta question, quoi. Moi je repose la question à Frédéric Mahouet. Qu'est-ce qui est incontournable et qu'est-ce qui est contournable dans cette question sociale, soi-disant incontournable, parce qu'elle n'a pas l'air incontournable pour tout le monde, en fait. Alors nous, dans nos palabres, il y a quelque chose qui est ressorti, donc qui est ce regard kényan un petit peu, et qui j'aurais été très intéressé qu'il y ait beaucoup de gens qui l'entendent pour discuter avec, qui était, elle disait de façon provocante, mais même pas provocante, que la question des papiers était une fausse question. Parce que, elle disait, regardez, pourquoi est-ce qu'il y a des sans-papiers? Il y a des sans-papiers parce qu'il y a besoin de travail pas cher. Donc on va faire des régularisations, donc ça a un sens humainement, etc. Mais ça n'empêchera pas que des sans-papiers, parce que ceux qui seront régularisés, sauf destruction plus avancée encore du système social belge qui ferait que les charges sociales seraient basses ou inexistantes, et donc ils seraient employables, disons, au tarif du noir, quoi. Qu'est-ce qui va se passer, c'est que les gens qui sont régularisés vont être forcément remplacés par de nouvelles générations de sans-papiers, puisque l'économie en a besoin pour les faire travailler pas cher, quoi. Et donc elle disait, en venant en Europe, on est quand même surpris, quoi, quand on vient d'Afrique, de voir que à la limite la question des sans-papiers est présente dans la campagne électorale, mais il y en a une qui n'y est pas, qui est l'exploitation des travailleurs et qui est le fonctionnement actuel de l'économie, qui là devrait être porté par des partis politiques, par des mouvements, et qui est absent. Et elle disait, moi j'ai un peu l'impression que la focalisation sur le thème des sans-papiers, avec, quand on voit en plus les différents types d'organisations qui sont là-dedans, où il y a donc de soutien, là en l'occurrence, qui peuvent être assez bien pensantes, qui peuvent penser que c'est d'abord un problème de racisme avant d'être un problème d'économie, penser qu'il faut conscientiser la population, alors que bon, le patronat sait très bien ce qu'il fait à ce niveau-là, ainsi que ses relais gouvernementaux. Elle disait, est-ce que vous vous trompez pas quelque part? Est-ce que déjà cette position-là est pas une position qui prépare des reculs sociaux, parce que toute l'énergie qui est mise là-dedans n'est pas mise dans quelque chose d'assez global et d'assez fondamental? En fait, une régularisation pour les sans-papiers, ça ne peut être que bénéfice pour les sans-papiers et pour le gouvernement, y compris pour la population, quoi. Parce qu'une personne qui est régularisée, c'est une personne qui sait, les sans-papiers, c'est gens qui travaillent aussi. Les gens qui travaillent, mais ils ont des salaires misérables. Mm-hmm. La veille des papiers, c'est trouver un travail, et ils contribuent à la société. Il sait avoir un logement décent, il sait avoir droit aux soins normalement, et qui profite aussi à l'État. Mm-hmm. Qui profite à l'État. Donc, quand les uns disent que non, bon, on va régulariser les gens, ça va prendre nos boulots, on va régulariser les gens, ils vont continuer à prendre du CPS, ça c'est faux. Ça c'est faux. Il y a plusieurs militants qui demandent juste à être régularisés, qui ne demandent pas avoir du CPS. Parce que la crainte, parfois, on a l'impression que la crainte est politique, c'est bon, une personne qui est régularisée, bon, on va avoir du CPS pendant un an, deux ans, trois ans. Ce n'est pas le cas. Les sans-papiers demandent juste à être régularisés et après, ils trouveront le travail. Pour ceux qui ont fait des formations, ils trouveront le travail, ils le feront. Pour ceux qui vont approfondir les formations, ils le feront et après, ils travailleront et qui vont ensuite contribuer à la société belge, quoi. Oui, mais ça, j'entends bien, mais je posais la question autrement. Est-ce qu'on peut être... aborder cette question des sans-papiers sans poser la question du capitalisme directement? Parce que sinon, quelle solidarité aussi? Parce que si on essaie de motiver une solidarité sur la base de aimons-nous les uns les autres, etc., plutôt que sur la base de comment est organisée cette fichue société et qu'est-ce qu'elle génère comme inégalité, on aura voilà, cette espèce d'antiracisme un peu mou, etc., alors que on pourrait aussi avoir tous les travailleurs, quoi. Et le rapport avec les syndicats, ça voudrait dire que en posant la question du travail au noir et de la régularisation, on pose la question de Qu'est-ce qu'ils foutent les syndicats qu'ils ont laissé détricoter les acquis sociaux depuis des années? Et ça, c'est aussi une question qu'ils ne veulent pas. Ben, je crois qu'au niveau de l'UDEP, il y a un travail qui se fait dans le sens dont tu parles, d'élargir le champ de cette lutte, d'élargir la vision. Par exemple, maintenant, on travaille beaucoup avec les syndicats et on essaye d'obtenir une reconnaissance qui soit égale à celle de tous les autres travailleurs. Et il y a des gens dans les syndicats qui sont très peu nombreux, qui sont une minorité et qui sont vraiment des combattants et des gens de cœur. Bon, c'est 2-3 personnes, mais avec qui on travaille, par exemple, pour qu'un jour, un travailleur sans papier, il soit défendu comme tous les autres travailleurs. Ça, c'est une chose, par exemple. Puis, vous connaissez la Comète, c'est, c'est un lieu où vivent, où cohabitent et tentent de vivre en liberté et en communauté des gens qui vivent toute forme d'exclusion, sans papier, ou sans emploi, ou sans domicile fixe, ou sans droit à une reconnaissance sexuelle, sans droit en général, enfin, toute forme d'oppression. Et voilà, mais enfin, nous, on est comme un syndicat des sans-papiers, et les gens qu'on représente, ils sont, je sais pas, ils sont dans une telle urgence et dans une telle détresse que quelque part, on est aussi poussé à travailler à l'urgence, C'est dur de penser globalement ou d'amener ça aux sans-papiers, ou essayer de faire un fonds commun. Mais je crois que la lutte des sans-papiers en elle-même, elle est déjà quelque chose de très fédératrice, Elle est déjà quelque chose qui va dans le sens que toi tu plaides, je crois. C'est déjà une nouvelle forme de lutte. Par exemple, l'occupation des églises, tu vois, c'est quelque chose de nouveau, Là, il y avait un problème qui était nouveau. On était dans un contexte nouveau et il y a une forme de résistance nouvelle aussi, je crois, et qui était beaucoup plus localisée, qui se concentre beaucoup sur ce qui se passe autour de l'église, avec les voisins, avec le quartier, avec les autorités communales, et ça, pour nous, pour l'UDEP, c'est notre poumon, c'est notre cœur, les occupations, même s'il s'y passe rien de politique, c'est pas grave, c'est hyper politique que les sans-papiers vivent là dans les quartiers, qu'ils se montrent, qu'ils soient debout dans les églises, qu'ils soient fiers d'être sans-papiers, qu'ils commencent à dire que mais merde, c'est pas un crime de dire bêtement de dire que je suis sans-papiers, et là écrit voilà, je suis sans-papiers, c'est quelque chose d'éminemment politique. Et moi, je crois que c'est plutôt par là qu'il faut essayer d'élargir la lutte, Il faut rentrer dans le combat des sans-papiers en y apportant cette richesse, Mais on est tellement dans la détresse que on peut pas, arriver seul à une philosophie politique telle que tu l'as décrit, qui, à mon sens, c'est ça qui est vraiment révolutionnaire et juste, Bon, avant qu'on arrive doucement à la fin de l'émission, est-ce qu'il y a des choses dont vous voudriez parler Si je vais parler en quelques mots pour la fin, c'est dire aujourd'hui, les sans-papiers, les UDEP, aujourd'hui, c'est un fait. En 2006, le 16 juin 2006, on a mis plus de 17 000 personnes dans la rue. Vous avez constaté hier, on a encore mis plus de 5 000 personnes dans la rue. Ça veut dire c'est un mouvement qui est là et qui travaille et qui va continuer à travailler jusqu'à ce qu'une réalisation soit faite pour tous les sans-papiers qui se trouvent dans le territoire. Mais ce qui est plus intéressant pour la manif, c'est de lui dire, c'est que nous avons constaté un grand nombre de politiques et aussi un grand nombre de la population qui soutiennent pour ces changements, Et ça, le plus intéressant lors de la manif, pour les sans-papiers, ce qui peut dire sans-papiers, c'est que la nuit continue, on va continuer à se mobiliser va continuer à se battre jusqu'à ce qu'une solution soit finalement trouvée par le gouvernement. Voilà, merci. Voilà. Mais moi, je voulais, justement, tantôt, on parlait des difficultés du mouvement. Je voudrais dire qu'il y a un numéro de compte de l'UDEP où tous les dons sont précieux, évidemment, pour nous. Et pour nous, ce qui serait encore plus précieux, c'est de venir aux fêtes qu'on organise, aux débats, aux conférences, où là, plutôt que de nous verser l'argent sur un compte, venez vous payer, je sais pas, une shop et boire avec nous, quoi. Voilà. Et ce que je voulais encore dire, c'est que, mais voilà, rappeler aux femmes et aux cirés, et je le dis vraiment avec le cœur, que de pas oublier qui sont les sans-papiers, quoi, tous les sans-papiers de Belgique. Et est-ce qu'il y a un moyen d'envisager des actions qui seraient aussi tournées vers ce genre d'organisation pour aider à ce qu'ils s'en souviennent? Mais là, on est vraiment dans les négociations, on est vraiment en train d'essayer de chercher une collaboration avec eux. Et il y a vraiment des avancées qui paraissent positives, en ce sens-là. Maintenant, on est invité à faire partie des commissions de recherche politique. On est invité à essayer de définir une ligne de stratégie commune. Donc, je pense que c'est un peu tôt pour tirer à balles perdues. Ah, j'ai pas dit tirer, j'ai dit trouver des moyens pour qu'ils n'oublient pas. Ah oui. C'est pas tirer, ça. C'est... Mais ils ont une tendance structurelle à l'oublier, il faut avoir une tendance structurelle à leur rappeler. Ouais, c'est vrai. Non, mais je crois les interpeller et marchant que par la force, on n'arrivera à rien, quoi. Enfin, il faut vraiment les traiter comme des humains. Ça peut être par l'humour, ça peut être... Ouais, tu sais, les inviter vraiment à rencontrer les sans-papiers, quoi, tu vois, parce que... À les connaître, quoi, et à connaître toutes les catégories aussi de sans-papiers, quoi, connaître ceux qui sont là que depuis 2 ans, et tu vois, ceux que eux peut-être voudraient oublier, quoi, et leur montrer que eux aussi ils méritent tout autant que les autres d'être régularisés. Mais en même temps, ça, c'est un peu encore une démarche qui est un peu de conscientisation comme ça. Mais est-ce que quand même c'est pas une question de rapport de force? Et quand même, parce que tous ces corps intermédiaires là, qui sont la copine Kenya, elle connaît ça très bien. C'est les ONG en Afrique, et les ONG sont là pour aussi éviter que la marmite, la cocotte minute, elle explose, quoi. Donc, ah, donc les rapports. Bon, il faut trouver un moyen aussi, ce que ils soient pas non plus en position d'étouffer les choses par bonne conscience, par calcul politique, par penser que c'est ça qu'il faut faire, même si c'est pas ça qu'il faut faire. Donc trouver un moyen de les marquer quand même à la culotte, quoi, gentiment peut-être, des fois méchamment si c'est nécessaire, mais bon, ils n'ont pas le monopole, ils doivent pas avoir le monopole sur cette politique, quoi. Et il joue un rôle, très certainement, enfin là je parle au nom personnel, il joue un rôle dans sa perpétuation, voilà. Il joue un rôle, c'est sûr. Moi je crois pas beaucoup à la force, quoi. Moi je crois que, enfin, justement, les sans-papiers, notre force, c'est... On n'a pas la force qu'ont les partis politiques de liens, de copains, de pouvoir, à gauche, à droite, d'argent, d'appareils, d'organisations énormes avec... on n'a pas cette force des sans-papiers, quoi. La force des sans-papiers, c'est comme il disait Raymond, quoi. C'est des gens qui ont la volonté, qui ont le cœur, qui ont, tu vois, qui ont ces trucs-là. Et c'est quelque chose qu'il faut garder, quoi. Moi, c'est pour ça que je disais, tu vois, les invités, et vraiment qui connaissent... la réalité, quoi. Enfin, c'est le peuple. C'est peut-être naïf, tu vois. C'est sans doute naïf, mais en même temps, je me demande qu'est-ce qui est le plus naïf, quoi, de croire qu'on va vraiment changer le monde en rentrant dans les jeux politiques, politiciens, ou alors est-ce qu'on changera en essayant d'être frère avec tout le monde, quoi. Voilà, bah, je crois que c'est une bonne conclusion. Que cet appel au peuple à se manifester face à ceux qui ont peut-être oublié qu'ils venaient du peuple un jour aussi. Et on va donc passer à l'agenda. Qu'est-ce que nous réservent les semaines qui viennent, Haute? En tout cas, la semaine est en fait, c'est un agenda très très UDEP, donc c'est bien. Il y a plein de choses qui sont prévues pendant la semaine. Je vais commencer en fait par le 22, donc vendredi, au Garcia Lorca, à partir de 6h, il y a une assemblée de tous les soutiens des sans-papiers et sans-papiers qui est organisée par Couleur Papier UDEP Bruxelles. Donc par UDEP Bruxelles, mais à l'agenda de Couleur Papier. Je pense, ouais. Je ne sais pas si les deux sont organisateurs. Ils sont co-organisateurs. C'est co-organisateur, voilà. Et donc le but, c'est surtout de faire un bilan des mouvements, des actions qui ont été menées, et puis de réfléchir aussi, je pense, à la suite quand même. Il y a un repas qui est prévu également. Sinon, le lundi 25 juin à 14h, là encore, c'est l'UTEP Bruxelles qui vous invite au siège du CDNV. Donc qui veut interpeller l'un des gagnants de l'élection sur la future politique d'immigration, sur la situation des sans-papiers, tout ce dont on a parlé aujourd'hui. Et donc vous êtes invités à venir les encourager, participer et soutenir la défense des sans-papiers avec eux, donc le 25 juin à 14h, devant le siège du CDNV, au 89 rue de la Loi à Bruxelles, donc métro Arlois. Vous pouvez aussi écrire au CDNV en leur envoyant ce petit mot. Je soutiens les sans-papiers dans leur combat pour la dignité à info@cdenv.be. Donc info@cdenv.be. Sinon, cette semaine encore, le 24, voilà, c'est le dimanche 24 juin, il y a la fête de quartier à Anderlecht, de midi à 20h. Et donc, si j'en parle, c'est parce que les sans-papiers je ne sais pas s'il va y avoir diverses occupations, mais en tout cas, je sais que ceux de Saint-Bernard y seront. Donc, et l'UDEP Bruxelles, Couleur Papier aussi, je pense, seront présents. À l'église d'Anderlecht, donc pour vous proposer, je crois que c'était un thé, de discuter, etc. Il y aura de la musique, il y aura des bouffes des quatre coins du monde, voilà, une fête quoi. Cool. Qu'on fasse la fête, mais qu'on discute surtout. Oui, promis. une discussion, justement, une invitation à un débat aussi pour le mercredi 27 juin, ça on en reparlera sans doute à l'émission de lundi prochain. Un débat, en fait, sur le droit au travail pour tous, avec ou sans papier, qui est organisé par la commission syndicale de l'UDEP Bruxelles, donc avec Monsieur Jésus Manchego, qui est militant syndical à la CSC, et Freddy Bouchès, qui est militant à Droit Devant et accompagnateur syndical à l'FGTB de la région du Centre. Donc le débat aura lieu à 19h à Bruxelles, laïque ASBL, avenue de Stalingrad, au 18 et 20, à Bruxelles. Ça a l'air assez intéressant, puisqu'il y a un appel notamment aux organisations syndicales à lutter contre les patrons qui profitent des sans-papiers, à lutter contre l'enfermement et l'expulsion des travailleurs sans-papiers de leurs familles et à se mobiliser pour la régularisation de tous les sans-papiers. Sinon un peu plus culturel, j'aime bien ce mot, le 20 juin, le Flaget en fait va organiser, donc c'est la journée mondiale du réfugié. Moi je savais pas que le 20 juin c'était la journée mondiale du réfugié, donc j'ai appris quelque chose, c'est cool. Donc à Flaget, il y a toute une programmation en fait le mercredi, donc de 10h jusqu'au soir, en fait, puisque ça se termine par un concert. Donc avec des films, des pièces de théâtre, donc des documentaires, des débats aussi sur la question de l'asile, du réfugié. Donc le 20 juin à Flaget. Vous pouvez, je pense, avoir la programmation sur le site du Flaget, qui est flaget.be, si je me souviens bien. Oui, c'est ça. Donc voilà, c'était... Ah non, il y a aussi le 21. j'ai failli l'oublier. Donc ça, c'est une conférence en fait le 21 juin à midi et quart, au 24 rue de Stahl à Uccle. Une conférence sur exil, exilé, exclu. Alors par contre, on m'a juste donné le nom de la conférence, mais sans trop me préciser ce que ça va donner ou ce qu'il y a comme intervenant. Donc voilà. C'est organisé par qui? Bah, je... J'espère que c'est pas l'église de Scientologie. J'espère pas non plus. Faut aller voir. Donc voilà. C'est tout pour l'agenda. C'est tout pour l'agenda. Donc alors, par contre, vous avez une activité dès la fin de l'émission qui est de soutenir un petit peu financièrement l'UDEP. Donc nous mettons immédiatement à l'agenda et nous allons vous donner le numéro de compte de l'UDEP. Alors le numéro de compte, c'est le 000 34 19 170-17. Donc 3 fois 0, 34 19 170-17 avec la mention solidarité et soutien. Voilà, merci beaucoup. Voilà. Bon, bah, c'est la fin de notre journal sans papier. Et donc, on vous donne rendez-vous en rediffusion. Donc, Radio Panique ce vendredi de 9h à 10h. Et sur Radio Campus lundi prochain, 14h30, 15h30. Et sinon, pour un nouveau journal sans papier à 19h lundi prochain. À bientôt et surveillez votre député MR. Merci. Papier, papier, papier, papier, papier, papier, papier, papier, papier, papier, papier, papier, papier, papier, papier, papier, papier, papier, papier, papier, papier, papier, papier, papier, papier, papier, papier, papier, papier, papier, papier, papier, papier, papier, papier, papier, papier, papier, papier, papier, papier, papier, papier, papier, papier, papier, papier, papier, papier, papier, papier, papier, papier, papier, papier, papier, papier, papier, papier, papier, papier, papier, papier, papier, papier, papier, papier, papier, papier, papier, papier, papier, papier, papier, papier, papier, papier, papier, papier, papier, papier, papier, papier, papier, papier, papier, papier, papier, papier, papier, papier, papier, papier, papier, papier, papier, papier, papier, papier, papier, papier, papier, papier, papier, papier, papier, papier, papier, papier, papier, papier, papier, papier, papier, papier, papier, papier, papier, papier, papier, papier, papier, papier, papier, papier, papier